إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء في الحديث في هذا الحديث العظيم يبين صلى الله عليه وسلم غربة الدين وأنه بدأ غريبا وسيعود غريبا. بدأ غريبا في مكة عندما بعث صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وفي جاهلية جهلة لا تعرف من الحق رسما ولا تقيم به حكما بل كانت تنتحل ما عليه آباءها وما استحسنته أسلافها من الآراء المنحرفة والنحل المخترعة والمذاهب المبتدعة وحينها قام فيهم صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فسرعان ما عرضوه وكذبوه ورموه بالبهتان تارة وبالجنون والكهانة تارة أخرى فدعاهم إلى عبادة رب العباد وترك عبادة العباد والأصنام والأوثان فقال الله على لسانهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وبعد ذلك هاجر صلى الله عليه وسلم ومن استطاع من أصحابه إلى المدينة فولدت غربة ثانية ثم استمر مزيد الإسلام وانتشر واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة وتحقق ما وعد به صلى الله عليه وسلم أمته من الافتراق والاختلاف على 73 فرقة وحذرنا صلى الله عليه وسلم من اتباع سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى فقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو سلكوا جحر ضب أو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع حرصه صلى الله عليه وسلم على تحقيق أسباب النجاة لأمته في الدنيا والآخرة فقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه الترمذي وغيره، وصححه الشيخ الألباني. وها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها، تعيش غربة في دينها. وصدق الشيخ الألباني رحمه الله في كلمات من ذهب قالها في غربة أهل السنة في هذا الزمان، فقال رحمه الله: إن تكلمت عن التوحيد نبذك أهل الشرك، وإن تكلمت عن السنة نبذك أهل البدعة، وإن تكلمت عن الدليل والحجة نبذك أهل التعصب المذهبي والمتصوفة والجهلة، وإن تكلمت عن طاعة ولاة الأمر بالمعروف والدعاء والنصح لهم نبذك الخوارج والمتحزبة، وإن تكلمت عن الإسلام وربطته بالحياة الدنيوية نبذك العلمانيون والليبراليون وأشباههم ممن يريدون فصل الدين عن الحياة. غربة شديدة على أهل السنة، إلى أن قال رحمه الله: نحن سعداء بهذه الغربة ونفتخر بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على هؤلاء الغرباء فقال: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، كما سمعتم وصف الغرباء في الحديث أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية أخرى قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغرباء وفي وصف الغرباء: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. فهذان وصفان للغرباء: الذين يصلحون في أنفسهم إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس. فهذان وصفان للغرباء، فهم أهل استقامة دائمة لا تنفك عنهم ولا تنقطع، ولا تنقطع إلا بموتهم، وهم أهل تمسك بسنة نبيهم ونهج صحابته والتابعين ومن تبعهم من الأئمة المهديين. فإذا تغيرت الأحوال والتبست الأمور وقل أهل الخير ثبتوا هم على الحق واستقاموا على دين الله ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة واستقاموا على الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله باللسان وبالحجة والبيان، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant les œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné de faire et en vous écartant des œuvres ou des actions et des paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qui est authentique que l'islam a débuté de façon étrange et que l'islam va redevenir étrange comme il a débuté. Alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. Annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. Et donc, dans ce grand hadith, ce hadith extrêmement important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous clarifie ce que signifie le fait d'être étrange par rapport à notre religion et nous clarifie l'étrangeté des musulmans. De un, l'étrangeté du musulman par rapport aux non-musulmans. Parce qu'on sait que dans le monde entier, si on calcule la population actuelle, s'il y a à peu près 7 milliards d'êtres humains, eh bien, il y a uniquement parmi ces 7 milliards, 1 milliard à peu près de musulmans. Et ça, c'est les gens qu'on appelle musulmans dans le sens qu'ils portent le titre et le nom de musulmans. Mais parmi ce million de musulmans qui sont, eux, une étrangeté parmi les 7 milliards, parce qu'ils sont une minorité dans l'humanité, eh bien, à l'intérieur de cette minorité, il y a une autre minorité, c'est-à-dire la minorité des musulmans qui sont réellement musulmans parce qu'ils pratiquent leur islam et ils pratiquent leur religion correctement. Et parmi cette minorité, il y a une autre minorité encore plus petite qui sont les gens qui s'accrochent fermement au Coran et à la Sunna et qui s'accrochent à l'exemple des Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le groupe victorieux et le groupe sauvé auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion dans le hadith lorsqu'il a dit que cette umma va se diviser en 73 sectes et qu'elles seraient toutes en enfer excepté une. Et quand les sahaba ont demandé laquelle, ô messager d'Allah sera sauvé, et il a dit c'est celle qui suit ce que j'ai suivi moi-même ainsi que mes compagnons. Ce groupe dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, c'est une minorité dans une minorité dans une minorité. Et ça ne veut pas dire quand il dit que 72 qui vont être en enfer et un seul au paradis, ça ne signifie pas et ça ne veut pas dire que les 72 sont en dehors de l'islam ou que les 72 seront en enfer pour y demeurer éternellement. Mais ça signifie uniquement qu'ils sont sous la menace du châtiment et que si jamais parmi eux, certains ont commis des péchés ou des innovations qui fait en sorte qu'ils méritent d'être châtiés pour un certain temps, du moment qu'ils sont restés sur le tawhid et l'unicité d'Allah et qu'ils n'ont rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration et qu'ils n'ont pas renié rien des fondements de la croyance islamique, alors tant qu'ils sont sur ça, on va toujours considérer qu'ils sont restés musulmans et que même s'ils rentrent en enfer pour un certain temps, ils vont, un moment donné, quand Allah va décider, Allah va les faire sortir de l'enfer. Parce que personne ne va rester éternellement en enfer parmi les croyants, parmi les musulmans, excepté ceux qui ont commis du shirk majeur ou qui ont renié un fondement parmi les fondements de la foi en l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala clarifie cela dans le Coran. Lorsqu'il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt en ayant commis un grand péché ou une innovation quelconque qui n'a pas atteint le degré de kouf majeur ou de shirk majeur, alors ce musulman-là, si Allah décide par sa justice de le punir pour le purifier de ces péchés-là avant de le faire rentrer au paradis, eh bien, il ne va pas y rester éternellement. C'est-à-dire que les 72 sectes qui sont menacées de l'enfer ne sont pas nécessairement en dehors de l'islam, comme certaines personnes l'ont compris, malheureusement, et ne sont pas nécessairement non plus, même s'ils sont en enfer, éternellement en enfer. Ceux qui seront éternellement en enfer parmi ces sectes sont celles qui ont commis du shirk majeur ou qui ont renié un fondement parmi les fondements de la foi en islam. Donc ce groupe parmi les 73 qui est le groupe sauvé, c'est celui qui s'est accroché fidèlement à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi ainsi qu'à ce que ses compagnons ont suivi après lui également. Et ce sont ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le Coran, « Alladhina taba'uhum bi'ihsan ». Donc ceux qui suivent ces gens-là, ils sont sur la guidance et ils sont sur la guidée. Et Inch'Allah, ils font partie des ghuraba, des étrangers. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que l'islam a débuté de façon étrange et qu'il va redevenir étrange comme il a débuté, c'est-à-dire que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Mecca, eh bien les gens ne connaissaient pas la vérité, les gens étaient perdus dans le shirk, et il y avait eu une longue période de presque 600 ans dans laquelle il n'y avait pas eu de prophète ni de messager. Donc même les peuples qui avaient reçu des livres auparavant avaient perdu le droit chemin et la guidance, et beaucoup d'entre eux étaient tombés dans toutes sortes de déviations et de déformations de la réalité de l'enseignement des prophètes, jusqu'à ce que vienne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour ramener les gens à la guidance et pour clarifier pour eux le chemin pour amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, la vérité était quelque chose d'étrange. Et les gens qui l'ont entendu, et en particulier les mouchriquins à Mecca, ont dit: mais ça, c'est étrange. Qu'est-ce que c'est cette religion? Il appelle à adorer un seul Dieu et à renier les idoles. Et il veut qu'on abandonne toutes les idoles et qu'on adore seulement Allah. C'est une chose étrange. Inna hadha la shay'un ujab. Et c'est ça qui fait que pour eux, c'est quelque chose d'étrange. Parce qu'ils ne l'ont pas connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc débuté sa da'wah. Il a appelé les gens et invité les gens à l'unicité. Et il a appelé les gens à le suivre. Et la religion est devenue, propagée. Elle s'est propagée, il est allé à Médine, et l'islam a commencé à se propager, devenir de plus en plus importante, et le nombre des croyants a augmenté, et donc l'islam a cessé d'être étrange à ce moment-là, puisque c'est devenu la religion qui était le plus répandue. Et puis, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a continué à s'étendre et à se propager, et les gens des différentes régions du monde et des différents pays de l'Afrique, de l'Asie, et même de l'Europe ont commencé à connaître l'islam. De l'Espagne jusqu'à la Chine, en moins de 100 ans, l'islam a pris une grande expansion. L'islam a cessé d'être une chose étrange. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il va y arriver une époque où l'islam va redevenir étrange encore une fois. C'est-à-dire que malgré que aujourd'hui il y a un grand nombre de musulmans, mais l'islam malgré ça redevient étrange même parmi les musulmans, parce que beaucoup de musulmans malheureusement se sont éloignés des réels enseignements du Coran et des réels enseignements de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup d'innovations se sont introduites parmi les musulmans, et ce qui a causé beaucoup de divisions et beaucoup de divergences, et ce qui a fait que les musulmans se sont affaiblis, et ce qui a fait que les non-musulmans et les ennemis de l'islam ont profité de cette faiblesse justement pour être capables de rentrer dans les pays musulmans et de créer du désordre et d'augmenter les troubles et la division. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si un musulman commence à pratiquer l'islam, si un musulman commence à pratiquer la sunna, si un musulman essaie de s'accrocher à sa religion, automatiquement, il est étiqueté, il est ciblé. Et on essaie de lui faire comprendre que il est dans l'extrémisme ou bien il est dans l'exagération. Pourquoi? Parce que la norme est devenue le laxisme. Quand le laxisme devient la norme et que les gens deviennent négligents de façon générale, n'importe quelle personne qui essaie de s'accrocher au juste milieu et de rester sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam va sembler et va paraître extrémiste. D'accord? Donc c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis de ça et qu'il nous a dit que l'islam a débuté de façon étrange, qu'il va redevenir étrange. Il nous a également avertis que vers la fin des temps, les gens allaient essayer de ressembler et de suivre l'exemple des peuples qui nous ont précédés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est authentique à ce sujet, vous allez suivre les juifs et les chrétiens. Et au début, il n'a pas dit les juifs et les chrétiens, il a dit vous allez suivre ceux qui vous ont précédés. Hein? Alladhina kana qablakum, ceux qui étaient avant vous, vous allez les suivre, hein, de pas à pas. Exemple par exemple. Même s'ils décidaient de rentrer dans le trou d'un lézard, eh bien vous allez même essayer de les suivre dans le trou de lézard. C'est à quel point parfois notre attitude, elle est absurde. Hein? Parce qu'on sait très bien qu'un être humain ne peut pas rentrer dans le trou d'un lézard. Hein? Et quel serait l'intérêt de rentrer dans le trou d'un lézard de toute façon? Mais c'est pour dire que même si eux, ils essaieraient de faire cela, eh bien parmi les musulmans, il y en aurait un groupe qui essaierait de faire la même chose qu'eux. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui sont-ils? Hein? De qui parles-tu? Des peuples précédents? De qui? Il a dit. Et ils ont dit, est-ce que c'est les juifs et les chrétiens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Faman, qui d'autre? Hein? Donc, c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avertit de ne pas les suivre. Parce que ces gens-là se sont égarés avant nous. Ils se sont éloignés de leurs livres avant nous. Ils se sont divisés dans leur religion avant nous. Et donc, si on les suit et si on prend eux comme exemple, eh bien, on va dévier, on va s'égarer de la même manière qu'ils se sont eux-mêmes égarés, de la même manière qu'ils ont eux-mêmes falsifié leurs livres, de la même manière qu'ils ont eux-mêmes déformé la compréhension de l'enseignement de leurs prophètes, de la même manière qu'ils ont égaré les hommes du droit chemin. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit qui sont les étrangers, al-ghuraba, il a donné deux caractéristiques. Et deux descriptions. Il a dit, Humul ladhina yasluhuna idha fasad an-nas. Et ça, en arabe, yasluhun, ça veut dire, c'est ceux qui restent, ils sont salihun. Même si les gens deviennent corrompus, eux, ils restent bons. Ils restent sur la piété. Et l'autre caractéristique des ghurabas, Humul ladhina yuslihun ma afsad an-nas. C'est-à-dire que l'autre caractéristique, c'est ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu. C'est-à-dire, ils corrigent le mal, ils changent le mal, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, ils donnent le bon conseil. C'est pas des gens qui acceptent le statu quo, qui disent, ah, mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, et les choses se passent comme ça, donc il faut l'accepter. Et il faut pas critiquer, il faut pas condamner le mal, il faut aller dans le même sens. Il faut aller dans le sens de la rivière, non. Le vrai musulman, il va pas dans le sens de la rivière, il va dans le sens contraire. Il remonte le courant. Comme les saumons, hein, lorsqu'ils reviennent, ils sautent contre le courant. Le musulman, il va contre le courant. Parce qu'il s'accroche à la vérité. Et le courant essaie de l'amener vers l'enfer et vers l'égarement. Et c'est la réalité à notre époque. Celui qui suit la société et le chemin vers lequel la société veut l'amener, c'est clair que s'il suit cette voie-là, il va vers le chemin de l'enfer. Donc, pour se sauver de ça, il doit aller contre le courant. Il doit s'accrocher à sa religion fermement et ne pas laisser les gens l'amener vers le chemin de l'égarement et de la déformation. Il doit rester un étranger, même si les gens pensent que ça, c'est quelque chose de mauvais. Et Cheikh Al-Albani, Rahimallah, qui est un des grands ulama à notre époque, il a bien illustré la signification de qu'est-ce qui se passe à notre époque. Et il a dit justement à ce sujet-là, aujourd'hui, si tu parles du tawhid, les gens du shirk te repoussent. Et si tu parles de la sunna, les gens de la bid'a te repoussent. Et si tu parles de la preuve et de l'argument, lorsque tu parles d'un sujet, tu demandes la preuve, Eh bien, les gens qui sont accrochés fanatiquement à une école ou à une voie ou un bid'a ou à la voie des soufis ou de l'ignorance, eh bien, ils te repoussent. Ils vont dire, ah, ça c'est un wahhabi. Un wahhabi. Hein? Et si tu lui demandes qu'est-ce que c'est le wahhabi, il ne sait pas. Il ne peut pas te donner aucune explication. La seule réalité, c'est parce que tu t'accroches au Coran et à la sunna, eh bien, il te traite de wahhabi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et si tu parles d'obéir aux dirigeants dans le bien et de faire des do'as pour eux, les khawarij te repoussent. La secte des khawarij. Et si tu parles de la religion et du lien de la religion avec la vie, et que la religion, elle comprend tous les aspects de la vie, politique, économique, sociale, juridique, et l'adoration et tout ça, c'est compris dans la religion, eh bien les laïcs, ils vont se tourner contre toi, ils vont te repousser. Donc, peu importe qu'est-ce que tu fais pour t'accrocher à ta religion, du moment que tu t'accroches sincèrement et fermement au Coran et à la Sunna, les gens vont toujours s'opposer à toi. Et c'est pour ça que tu vas être traité comme un étranger, comme un parmi les ghurabas. Tu vas être gharib, même parmi les gens qui se disent musulmans. Alors, il faut embrasser cette étrangeté, et il faut l'accepter, il faut même en être fier. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, annoncer la bonne nouvelle du paradis aux étrangers. Ceux qui restent bons lorsque les gens se corrompent, et ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم